Mireille Kanyang. Radio Sanganiro, auditrice, auditeur, merci de nous rester fidèles. Voici les grands titres de cette édition. 29 avril, 51 ans viennent de passer après une période sombre à cette date en 1972. Sur ce, le collectif des victimes et rescapés de 72 demande qu'il y ait une loi de reconnaissant le génocide contre les Hutus. De son côté, l'association AC Génocide de Chirimoso réclame toujours l'exercice du devoir de mémoire. C'est pourtant un exercice de libération, reconnaît le collectif de 1972. En province, Kayanza, 8 bovins ont manifesté les signes de la fièvre de la vallée du Rift. Les éleveurs sont appelés à suivre de près leur cheptel. Les habitants des localités de Rouvirizi et Charama jusqu'à la gare du Nord, touchés par les travaux relatifs à la ligne électrique Kamanyola-Bujumbura, seront indemnisés, annonce le directeur général de la Régie des Eaux. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Séraphine Hakizimana. Justice transitionnelle pour débuter cette édition. La Cour suprême de Bujumbura, dans sa chambre de cassation, a cassé et annulé deux jugements rendus par les conseils de guerre de Gitega et Bujumbura en mai 1972, condamnant les victimes à la pendaison. Cela a été décidé dans une audience publique tenue l'après-midi de ce vendredi par la Cour suprême. Le dossier avait été déposé à cette Cour par le procureur général de la République, Karenzo Claudine, qui lit les conclusions de la Cour, déclare donc le dossier recevable. Suivez. Le jugement rendu par le conseil de guerre de Bujumbura et le conseil de guerre de Gitega, respectivement en date du 6 mai 1972 et des 5, 7, 9, 10, 11 mai 1972, résulte d'une violation flagrante de la loi pénale en vigueur à l'époque, de la procédure pénale en vigueur, ainsi que des principes du droit international. De tels jugements méritent par conséquent d'être cassés et annulés. De même, la Cour suprême, chambre de cassation, considère que tous les actes posés dans le cadre de l'exécution de ces jugements sont à annuler, ainsi que tous les effets qu'ils ont produits. Comme la cassation et l'annulation de ces jugements intervient plusieurs années après l'exécution des condamnés, la Cour suprême ne peut que décharger la mémoire des condamnés des condamnations encourues. Consécutivement à l'annulation des jugements rendus respectivement par le Conseil de guerre de Gitega et le Conseil de guerre de Bujumbura en date des 6, 7, 9, 10, 11 mai 1972 et 6 mai 1972, la Cour suprême, chambre de cassation, décharge la mémoire de tous les condamnés des condamnations prononcées contre eux. Parlons toujours 29 avril 2023, 51 ans viennent de passer jour pour jour après des massacres. Le collectif des victimes et rescapés des tueries de 1972 rappelle que l'exercice du devoir de mémoire est un exercice de libération. François-Xavier Nsabimana, président de ce collectif, demande qu'il y ait une loi portant reconnaissance d'un génocide commis contre les Hutus. On l'écoute. Ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que commémorer, c'est l'exercice du devoir de mémoire. Or, l'exercice du devoir de mémoire est un travail de libération. Il permet aux criminels de mesurer la gravité de leurs crimes et de s'amender. Il permet également aux rescapés de guérir de leur traumatisme. Il interpelle les yeux des complices, c'est pour qu'ils se désolidarisent de toute entreprise criminelle. Commémorer est alors un acte normal. Ce n'est pas cultiver la vengeance. Ce n'est non plus répandre des discours incendiaires. Ce n'est ni séparer, ni diviser les gens. Commémorer n'a rien de criminel. C'est la clé. Dis jamais ça. Commémorer, c'est la porte de la réconciliation. C'est de ce fait que tous les Burundais, dans leurs différentes composantes, ainsi que les étrangers qui vivent dans notre pays, sont invités chaque année car nous commémorons les nôtres qui ont été génocidés en 1972-1973. Nous demandons à ce qu'il y ait la loi portant reconnaissance de ce génocide commis contre les Bahutu Barundi en 1972-1973, la loi portant répression des négationnistes, ainsi que la loi mémorielle. François Xavier Nsabimana, président du collectif des victimes rescapées des tueries de 1972. De son côté, Terence Mouchano, président de l'association ACG Génocide de Chirimoso, regrette que cette association se voit interdite d'exercer ce devoir de mémoire et demande à l'État qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures. On l'écoute. L'association AC Génocide de Chirimoso a appris que le gouvernement du Burundi a autorisé la commémoration des Hutus par le collectif des survivants Hutus de 1972. Mais paradoxalement, depuis 2020, le gouvernement du Burundi refuse aux Tutsis, aux associations de Tutsis, la commémoration de l'heure. Le plus grave, le 21 octobre 2022, on a refusé à l'association AC Génocide de Chirimoso, l'association des parents qui ont perdu leurs enfants au lycée de Kibimba, les enseignants ainsi que les Tutsis voisins. On a refusé à ces trois associations de commémorer l'heure. Le gouvernement du Burundi applique la politique de deux poids deux mesures. Il faudrait accepter la commémoration des Tutsis parce que les Tutsis qui sont morts avaient droit aussi à la vie. Terence Mouchano, président de l'association AC Génocide Chirimoso. Ce 29 avril également, 51 ans viennent de passer après l'assassinat du dernier roi burundais Ntare V, Charles Ndizeye. La famille royale demande que toute la lumière soit faite sur cet assassinat. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition, le directeur général de la Régie des Eaux tranquillise les habitants de Rubirizi et Charama jusqu'à la gare du Nord, au nord de la capitale économique Bujumbura, où seront implantés les poteaux électriques du courant provenant de Kamanyola en République démocratique du Congo, qui seront indemnisés, mais ce ne sont pas tous à être indemnisés selon Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des Eaux, qui dit qu'il y a certains qui ont bâti dans des espaces publics. Il a dit mercredi lors d'une conférence de presse, je vous prie de le suivre. C'est un projet de transport de l'énergie en provenance de Ruzizi vers Bujumbura. C'est une ligne de transport à haute tension de 220 kV. Pour réaliser ce projet, il y a l'un dans les propriétaires de la population où on doit planter des drones. Là, on va planter les pylônes, la population sera indemnisée. Mais il faudra bien savoir, il y a une ligne de 110 qui était entre Rubirizi jusqu'à RN1, où il y avait des petits kiosques qui étaient sous cette ligne 110. Ces kiosques, ça, ils ne sont pas indemnisés parce qu'ils le savaient avant même que, parce que c'était un propriétaire du gouvernement. C'est pourquoi il n'y a pas même des maisons. Il n'y a pas même des maisons. Là-bas, il n'y a pas de problème. Le problème se trouve, le tronçon vers les Kamenge jusqu'à la RN1. Hein. Dans les mois passés, il y a eu une commission qui était composée par les techniciens de la Régie des Eaux, les techniciens du ministère de l'Infrastructure, mais aussi de la mairie de Bujumbura et du ministère de l'Intérieur. L'équipe a déjà remis au ministère, le rapport est en train d'être analysé au niveau ministériel et ça va passer au Conseil des ministres. C'est au Conseil des ministres qui va juger de quoi faire. Mais, ce que je vais vous dire, le gouvernement ne peut pas laisser sa population comme ça. On va voir comment ces habitations vont être indemnisées. Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux parlant élevage à présent province Kayanza, oui, bovins ont manifesté des signes de la fièvre de la vallée du Rift. Dans cette province, en moins d'un mois, parmi ces animaux, 300 morts et 5 autres guéris, selon la direction provinciale de l'agriculture, élevage et protection de l'environnement dans cette province. Adélan Yonsaba, directeur, demande aux éleveurs de suivre de près leur bétail afin d'informer à temps les vétérinaires en cas de telle maladie. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Selon des informations recueillies auprès de la Direction provinciale de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza, ces bovins ont été attaqués par la maladie de la fièvre dans la vallée de Rift dans une période allant du 3 mars au 3 avril l'année en cours. Selon les mêmes informations, trois de ces vaches sont mortes et enterrées pour prévenir des dangers qui pourraient survenir à la santé de la population en cas de la consommation de leur viande. Le directeur du BPA et Kayanza fait savoir que 5 autres vaches qui étaient atteintes de la maladie ont été soignées et guéries. Adalan Niyonsaba indique que les médecins vétérinaires au niveau de la province et des communes, conjointement avec des éleveurs et l'administration, ont beaucoup lutté contre la propagation de la maladie, surtout avec la mise en quarantaine des vaches déjà atteintes. Ils demandent aux chargés de la santé animale d'être toujours près des éleveurs dans le but de les rappeler des symptômes de la fièvre de la vallée de Rift. Et aux éleveurs, le directeur du bureau en charge de l'agriculture et l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza leur appelle à suivre de près leur bétail afin d'informer à temps les médecins vétérinaires en cas de l'apparition des symptômes de cette maladie chez un animal. Vous saurez qu'en province Kayanza, depuis l'apparition de cette maladie du bétail l'année passée, il a déjà emporté 21 bovins et 31 caprins. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Restons au nord du Burundi, cette fois-ci en province Ngozi pour parler éducation. Les unités de transformation des boissons en cours d'installation dans la ville et à la périphérie de Ngozi sont parmi les causes d'abandon scolaire car les élèves y sont embauchés. Annonce déclaration ce vendredi dans une réunion tenue par le directeur provincial de l'éducation à l'endroit des enseignants de la direction communale de l'éducation dans cette province. Le directeur provincial de l'enseignement, Jean-Pierre Ndekugayo, conseille la vigilance de tout un chacun afin de connaître semaine par semaine les abandons et leurs motifs, quitte à faire retourner ses enfants à l'école. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Dans cette réunion de préparation des activités clôturant la fin de cette année scolaire en beauté, il a été évoqué des effectifs pléthoriques d'abandon scolaire en province Ngozi qui a déjà dépassé 7000. Parmi les causes selon ses enseignants, des écoliers qui vont chercher du travail en masse dans les unités de fabrication des jus et boissons alcoolisées qui ne cessent de s'implanter en ville de Ngozi et dans les environs, principalement dans la vallée d'Oziegu. Il y a aussi, selon toujours eux, des maisons de cinéma qui détournent les élèves, ils passent toute la journée à l'insu des parents. Ces derniers croient malheureusement que leurs enfants sont à l'étude. Ces enseignants de la direction communale de l'éducation en Ngozi demandent l'ouverture de ces maisons de cinéma le soir après l'école. Le DPE Ngozi, Jean-Pierre Ndekugayo, promet d'en parler avec les responsables administratifs et policiers pour statuer sur ce que. Il demande aux directeurs d'école et enseignants l'identification quotidienne des cas d'abandon scolaire et d'alerter à temps l'administration, quitte à connaître les raisons et les faire retourner à l'école en cas de possibilité. Ce responsable de l'éducation en Ngozi conseille aux éducateurs d'éviter tout comportement suspect pouvant leur causer des problèmes, de cesser tout contact inutile avec les éduqués, surtout en cette période cruciale de clôture de l'année scolaire. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Ngozi, au nord du Burundi, rendons-nous en province Bubanza, c'est à l'ouest du pays. Pour parler environnement, une personne a été grièvement blessée par un hippopotame. Parmi ceux qui vivent dans les fosses remplies d'eau à Buringa, en commune Gihanga, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi et la victime est sous des soins intensifs à l'hôpital. L'autre personne qui était sur place a pu échapper. Les habitants de Buringa s'inquiètent et demandent que ces hippopotames soient reconduits dans la rivière Rusizi. Les responsables administratifs et ceux de l'environnement expliquent que ces animaux se trouvent plutôt dans leur zone de vie. Le point avec Spes Caritas Kavanyana. Cet homme qui a été grièvement blessé par un hippopotame était dans la route Bujumbura-Cibitoke, la RN5, avec son ami. C'était dans la petite matinée de ce jeudi. Ils disent qu'ils ont aperçu un hippopotame dans la route. Ils ont fui. L'un de ces hommes a été attrapé par cet animal sauvage et l'a grièvement blessé. Il a été évacué dans un hôpital de Bujumbura où il est en train d'être soigné jusqu'à présent, selon les témoins sur place. Ces hippopotames qui se compteraient à une dizaine vivent dans des fosses où on a extrait du sable à Muringa et qui sont remplis d'eau actuellement. C'est dans la Rukoko, à côté de la RN5. Les habitants de Muringa s'inquiètent et demandent que ces hippopotames soient remis dans la Rusizi d'où ils sont venus, afin de protéger la population, étant donné qu'ils sortent de ces fosses pendant la nuit et se baladent dans les rues. Dans le cas contraire, la population demande que cette place où ils se trouvent devrait être clôturée. Les responsables administratifs et les responsables chargés de l'environnement nous ont expliqué que ces hippopotames se trouvent dans leur zone, la réserve est protégée. Ils appellent la population à ne pas les déranger. Merci à Spes Caritas Kawanyana pour ces précisions. Ainsi s'achève cette édition, mais vous retiendrez que 51 ans viennent de passer jour pour jour après une période sombre. À cette date, c'était en 1972 où il y a eu des massacres. Le collectif des victimes et rescapés de 1972 demande qu'il y ait une loi portant reconnaissance d'un génocide contre les Hutus. Et de son côté, l'association AAC Génocide des Chirimoso réclame toujours l'exercice du devoir de mémoire que reconnaît pourtant le collectif de 1972. Les 51 ans après, c'est également la commémoration du 51e anniversaire de l'assassinat du roi Ntare V Ndizeye, dernier roi du Burundi. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Séraphine Hakizimana qui a assuré la mise en onde. Nos programmes continuent.